Tous les oreilles de derrière le poste, c'est l'asile le plus sûr qui est diffusé sur l'antenne du 94 MHz, également écoutable, peut-être que c'est votre cas, sur internet à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Ça c'est pour le téléchargement in extenso de l'émission, ou l'écoute en streaming à partir de ce même site d'ailleurs, ou également à partir du mix Cloud/Redman. On attaque avec un disque qu'on avait écouté il y a de ça quelques semaines, sorti en début d'année, ce nouvel album de Obon Combo. Obon Combo qui est un trio italien qui mélange pas mal de choses, puisque ses membres sont des gens qui mélangent pas mal de styles musicaux. Je pense notamment au batteur Andrea Belfi qui collabore aux côtés de David Groups, The Mike Watt et de quantité d'autres. Rocco Marchi à la guitare électrique et Francesca Baccolini à la contrebasse et à la voix. Tous les trois, ils ont fait paraître un tout nouveau disque sous le nom de Moondog Mask. En effet, ce Obo Combo est une formation qui s'illustre dans la défense de la musique de monsieur Thomas Hardin alias Moondog, Louis Hardin, pas Thomas Hardin. On voit bien que c'est lundi, voilà. Donc un tout nouvel album, The Magnetic Sound of Obo Combo, sorti sur le label Trovarobato Parade. On avait écouté un titre qui faisait pas mal penser à du Morricone, et ben celui-ci également. Donc non pas une reprise, une cover de Moondog pour illustrer cet album de Obo Combo, mais une composition originale donc de cette même formation, extrait de ce disque, ce Magnetic Sound of Obo Combo Presents Moondog Mask. We'll be right back. not moving. She was staring at all four of us. The man who came in was saying, "You have to put some trust in these people, because they are not yet free. I'm telling you, a truth-hungry person," as she was about to dine with old white ladies. She was waving for the waiter, as to have food. Now she's trying to hold her distance and to figure out the price. She's knowing, she's right, she's knowing, she's right. She has seen this porch when she entered the cold, wild and wired. She's right and becoming strong and old at the same time. And she's white and growing old and strong at the same time. She's holding the past, the lost ones, the graves. And she's living, she seems old, adapting to the night. She's not turning. She's not telling all she is, missing the soul laden stationary words. But she's light in autumns, and light in absence, and proves that she's right in her compassion and patience. Un démarrage très dance floor pour l'asile cette semaine avec deux albums qu'on vous a déjà proposés dans cette même émission. Tout d'abord le combo italien Obo Combo, le bien nommé, donc, et son deuxième ou troisième album, je ne sais pas trop à quel numéro ils sont rendus pour ce Moondog Mask. En tout cas, excellent album avec 5 titres donc de Moondog, 5 compositions originales dont celle qu'on écoutait pour démarrer Two Sea Horse, ainsi que même une cover de Robert Wyatt pour le trio italien. Donc très très beau disque, ultra recommandable ce nouvel opus de Obo Combo qui était suivi par le troisième album d'orchestre tout puissant Marcel Duchamp. Il s'intitule Retour au Thor. On avait déjà eu l'occasion de vous en proposer deux tranches, et cette fois donc l'album est enfin sorti sur le label suisse Moi Je Connais Records, et donc c'est l'occasion de célébrer cette arrivée et le retour donc de cette formation franco-suisse, également un peu belge, voire écossaise, dans laquelle s'illustre notamment le batteur Wilf Plumpf. C'est dur à dire ça, Wilf Plumpf, batteur des mythiques Dog Faced Hermans, en compagnie du contrebassiste Vincent Berthollet des Spacehead, du guitariste de l'étrangleuse Maëlle Salettes. Donc pour une subtile alchimie entre post-punk et un certain afrobeat, l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp qu'on avait pu admirer il y a de ça 2 ans pour le festival Rennais Musique Alambic. C'était au Jardin Moderne. C'était au mois de mars, donc il y a 2 ans, donc c'était en 2012, si mes calculs sont bons. Et le festival Musique Alambic revient pour une 3e salve. Cette fois, ce sera le vendredi 23 mai, avec pas moins de 5 formations. Et notamment, vous pourrez y retrouver La Terre Tremble, ainsi que Le Hier. Il y aura aussi une création par une formation qui fera son premier concert sous le nom de Échole Pamtès, dans laquelle on retrouve des membres de Totoro, de Mermonte, de Corcoy et autres Olubrius. Vous pourrez aussi admirer dans ce festival donc Musique Alambic numéro 3 le retour donc de La Terre Tremble, je crois que je l'ai dit, Rouge Gorge et Arlte et Thomas Bonvalet de l'Ocelmar et de Cheval de Frise, qui accompagnera le duo francophone Héloïse Descazes et Sing Sing alias ARLT, qui viennent de faire paraître donc leur disque conjointement avec donc cet ex-membre de Cheval de Frise, monsieur Thomas Bonvalet, sur le label Almost Music. Excellent disque qui est en fait une manière pour monsieur Bonvalet de revisiter les chansons assez surprenantes de ce duo qui combine un peu musique folk, ambiance médiévale, et des textes pour ceux qui n'aiment pas la chanson française, comme c'est le cas pour votre serviteur. On va pouvoir s'en rendre compte avec un extrait de ce disque qui vient tout juste d'arriver dans les bacs, donc le disque de Arlt et Thomas Bonvalet, le titre « Tu m'as encore crevé un cheval ». Two. Là aussi, on aurait dit qu'il y a un zeste de Morricone dans le titre de ce disque Building Instrument, peut-être matiné avec un soupçon de Klimper Eye. Premier album éponyme pour ce trio norvégien produit par le label Hubro, dont je vous passe assez régulièrement les productions depuis à peu près 2 ans, vu l'éclectisme de leur sortie plutôt régulière. Donc premier album en CD et en vinyle pour ce trio avec des vocaux en norvégien dans le dialecte apparemment de Molde, donc chanté par mademoiselle Kvien Brunvoll, qui est une vocaliste qui est apparue sur la scène norvégienne notamment par des albums solo sur le label Jazzland. Et elle est encensée par le pianiste Buge Wesseltoff. Elle est en compagnie, elle joue aussi donc de la sitar de là-bas. Et elle est en compagnie donc du batteur Öving Egglunde et du claviériste électronicien Asmund Welsien pour ce disque qui est plutôt pas mal en fait, hein, dans les ambiances un peu musique nouvelle et champêtre pour ceux qui ont les mains vertes et les oreilles à l'abri du vent. Voilà donc l'album de Building Instrument qui était précédé donc dans cette séquence de 3 titres par le morceau de Kuma, extrait de leur premier album long Brazilian Blowout, qui vient tout juste de voir le jour en coproduction entre les labels Carton Records et En Veux-tu En V'là. Alors là c'était vraiment un disque qu'on attendait au tournant, le premier album long du trio qui envoie du lourd, originaire de Lyon, une sorte de croisement entre Zoo et Lightning Bolt pour faire court, un album qui a été enregistré dans une cave à vin du Beaujolais d'ailleurs, et mixé par monsieur Wharton Tears, s'il vous plaît, donc le collaborateur de Sonic Youth, Unsane et autres, Glenn Branca. Kuma qui est un trio sax bariton, monsieur Romain Dugelet, guitare bariton, Damien Cluzel, et à la batterie monsieur Léo Dumont. Un album qui avait été d'ailleurs qui avait donné lieu à une souscription en ligne sur la plateforme de financement collaboratif KissKiss Bank Bank, et que vous pouvez vous procurer donc avec peut-être le maxi qu'ils avaient sorti il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, qui est peut-être beaucoup plus radical que ce premier album long qui est assez produit et qui a un son peut-être un peu épuré par rapport au premier qui était très très très brut, une sorte de son de basse des profondeurs pour la formation Kuma. Et juste avant, donc en début de séquence, c'était de la chanson, mais de la chanson plutôt façon Brigitte Fontaine, avec le duo ARLT, je ne sais jamais trop comment on peut prononcer ce mot, avec ce titre qui figurait sur leur 2e disque Feu la figure, le morceau Tu m'as encore crevé un cheval, et qui est revisité par les bons soins de monsieur Thomas Bonvalet, qui jouait du Ken Laotien sur le titre qu'il a remixé, donc puisqu'il a revisité la plupart des morceaux sortis sur leurs 2 premiers opus pour ce faux 3e album qui vient tout juste de voir le jour sur le label Almost Music. Et donc ARLT ainsi qu'en compagnie de Thomas Bonvalet seront au Festival Musique Alambique numéro 3 le vendredi 23 mai, ce sera au Jardin Moderne. Voilà, on va continuer toujours un peu dans la sphère assez proche de la musique de Kuma, avec cette fois-ci le combo Hippie Dictat, qui est une formation qui a à peu près le même genre d'instrumentarium que Kuma, à savoir du sax bariton, de la guitare et de la batterie. Ils reviennent avec un 3e disque long sorti par le jeune label Beat Coq, en coproduction d'ailleurs avec la coopérative Quax et son label Quax Records, puisqu'ils sont issus de cette fameuse, de ce fameux collectif parisien. Excellent trio, donc Hippie Diktat. On écoute un titre assez long de ce Black Peplum, qui est un album vraiment, vraiment fantabulesque. Une séquence qui faisait pas dans la franche rigolade sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, histoire de se décrasser des poussières et des miasmes printaniers. Voilà donc tout d'abord le diktat des hippies, alias Richard Comte, guitare, Julien Chamla, batterie et Antoine Viard, sax, baryton, ou encore hippie diktat, donc combo qui vient de faire paraître son troisième album long sous le titre Black Peplum, sorti sur une jeune entité discographique du nom de Becock, B-E-C-O-Q, donc jeu de mots bien vu. Donc formation qu'on suit depuis quelques années, qui fait partie du collectif parisien Quax et qui est toujours très très très pertinente. Quant au label Becock, il a fait paraître pas mal de choses ces derniers temps, notamment contribué à la sortie de l'album de Toys Air Noise et aussi à un tout nouvel album de Louis Minus 16 du nom de Kindergarten. Voilà, vous avez plus d'informations et vous pouvez écouter leur production sur le bandcamp.com de Becock. C'était enchaîné avec le projet des guitaristes de ZX, Andy Moore et Terry Hessel, en compagnie de leurs camarades norvégiens, le saxophoniste Ken Vandermark et le batteur Paul Nissenlove, alias le projet Lean Left, qui produit principalement des galettes en concert, à l'image de celle-ci, sous le nom de Live at Area Sismica, qui est sorti en CD sur le label d'ailleurs de monsieur Andy Moore, Unsounds. Live at Area Sismica, qui est un concert qui avait été enregistré à Forlì en Italie le 22 septembre 2012. Et il s'agit du 5e ou 6e album live de Lean Left, mais c'est vrai qu'ils produisent principalement des doubles albums. Alors celui-ci, c'est un simple, histoire de me contredire, mais les précédents étaient sortis en volume 1 et volume 2. Il y avait aussi un concert au Café Auto en 2,33 tours. Voilà, on va continuer et calmer le jeu avec une séquence extraite du nouvel album de monsieur Jacques Bérocal, trompettiste, chanteur de son état, et ce depuis le début des années 70, tout autant tourné vers l'art brut que vers les musiques improvisées ou encore le free jazz. Il a pris aussi le tournant du punk et des musiques tarabiscotées des années 80. Ça faisait une bonne vingtaine d'années qu'il n'avait pas produit de disque sous son nom. Je crois que le précédent remontait à un album sorti sur étiquette In Situ sous le nom de La Nuit est au courant. Et le label belge Sub Rosa vient de réparer cet oubli ou cette funeste erreur avec une collection de titres de monsieur Bérocal. Il y en a 17 au total sur cet album, publié en 33 tours et également en CD, avec d'ailleurs deux bonus, enfin, ou plus exactement trois. Il y a un morceau qui ne figure pas sur le CD, sur la version CD, sur le vinyle, et deux titres supplémentaires à cet album aussi sur la version numérique. Donc une compilation de titres de différentes époques de Jacques Bérocal, fort bien arrangé ma foi. On va pouvoir s'en rendre compte avec 5-6 titres enchaînés, une séquence assez longue et beaucoup d'invités. Je vous ferai peut-être un petit récapitulatif rapide en fin de séquence. En tout cas, le morceau qui démarre, sur le morceau qui démarre, on retrouve le grand Jacques en compagnie de messieurs Ron Anderson et Keith Abrams. Voilà donc des Américains. C'était enregistré à Brooklyn en 2006. Voilà donc on écoute 5-6 titres enchaînés, extraits de cet album de Sub Rosa de monsieur Bérocal, que je n'ai pas cité d'ailleurs, le titre MDLV de cet album. On écoute Jacques Bérocal dans l'asile le plus sûr. aristocrate, dépressif, vorace, solaire, flambeur jouant le décor à l'envers, escalier tendu à la croûte du ciel. Buvons, buvons l'Alsacienne sans culotte. Créature luxueuse, consciencieusement frivole. Buvons, buvons. les cigarettes sont fraîches cette année. And we'll burn live. Hotel, hotel. Incontrollable slow jazz and chaos. The sun goes up, Saint Apollonia. Alexis de Cormal. Pénétration. La nuit est au courant. Solide, je dansais. J'avais confiance. À présent, comment serait-ce possible? On détache un grain de sable et toute la plage s'effondre. Tu sais bien. Et voilà donc un florilège extrait de ce sublissime nouvel album de Monsieur Jacques Bérocal sous le titre MDLV, donc un florilège bon, toute époque confondue. On y retrouve des traces sonores de la fin des années 70, des 80, 90 et 2000 jusqu'à aujourd'hui, et en compagnie d'un monde assez incroyable. J'avais cité donc les gens de Pâques, Ron Anderson et Keith Abrams, pour démarrer donc la séquence qu'on a entendue. On y retrouve aussi un peu ses vieux acolytes, hein, Jean-François Pauvros, les gens des Messageros, Killer Boys, également Monsieur Claude Parle à l'accordéon. Pas mal d'autres sont embarqués dans ce disque qui part dans beaucoup de directions. On a entendu par exemple Plaisir d'amour dans une version par Madame Marie Moore, une reprise de Lonely Woman, une reprise de Joy Division et quantité d'autres choses. Jean-Marc Foussa au VCS3, Gilbert Hartmann, des titres de poésie sonore aussi. Là, on entendait juste à l'instant un morceau, une récitation de Monsieur Henri Michaud, La Ralentie. On a aussi un bonus avec le fameux morceau Sacré de Ginsberg sur la version vinylique de ce disque qui est paru donc sur le label Sub Rosa et qui, bon là c'était une séquence prise un peu en décousu, mais l'album est vraiment conçu comme cela, un peu à l'image de son mentor Monsieur Bérocal, disque d'ailleurs qu'il dédie à Madame Rosemary Alexandrine Ferraud, marquise de Lau. Voilà, donc pour vous montrer un peu l'étendue du personnage Jacques Bérocal, qui n'avait pas sorti d'album en solitaire depuis, même s'il est très peuplé à l'intérieur, depuis une bonne vingtaine d'années, principalement, il officie principalement aux côtés d'autres musiciens, je pense notamment à Gedeïa Tazartès ou encore David Fenech. Il y a d'ailleurs un nouveau trio, David Fenech, Vincent Eplet et Jacques Bérocal, qui est dans les tuyaux et qui figure en bonus sur la version CD de ce très beau disque aux éditions Sub Rosa. Voilà, on va continuer avec un artiste sonore qu'on passe pas très souvent dans la ville de Bussure et pourtant il a une production assez pléthorique, notamment par des disques qui étaient sortis sur le label Panact. Je cite Monsieur Ben Vida, donc artiste sonore de Brooklyn, qui fait beaucoup de musique synthétique et qui revient avec un album sur l'excellent label de Monsieur Bartholomé Sanson, Shelter Press, sous le titre Sleeping Control. On va écouter plusieurs extraits de ce disque qui n'est pas encore sorti, qui va apparaître en vinyle dans une semaine, le 21 avril très exactement. On écoute Ben Vida dans l'asile le plus sûr. Take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a ata, take a Sa Odha Sa Sa Thank you. On a démarré cette séquence de l'Asie le plus sûr avec la synthèse sonore ou plutôt quelques petites miniatures extraites de ces nombreuses pièces de l'album Sleeping Control de Monsieur Ben Vida. Donc de la synthèse sonore que je vous disais, puisqu'il s'agit en fait d'une pièce qui fonctionnait à la fois comme une partition qui avait été éditée en livre, également une installation sonore et des modules de synthèse donc sonore à partir de paramètres vocaux notamment. Il s'agit d'un disque vraiment très très réussi de Ben Vida qui devrait voir le jour d'ici quelques jours sur le label Shelter Press. Et Ben Vida était enchaîné avec un nouvel opus publié par la marque britannique Trendsmap qu'on a déjà rencontré avec des disques de Astral Social Club ou de Monsieur Anthony Milton et qui a aussi sorti un nouvel album de Monsieur Stéphane Jaworzin. Mais là il s'agissait du projet Love Cult Tech Druss et l'album Your Problems qui est un album qui réunit Monsieur Paddy de Knod, groupe psychédélique britannique bien connu qu'on passe assez régulièrement dans l'Asile le plus sûr, qui a un projet solo qui s'appelle Druss et qui rencontre pour cette occasion le duo apparemment russe de crypto blip électronique Love Cult. Donc la réunion des deux, ça fait Love Cult Tech Druss. Très très beau disque aussi sur cette étiquette Trendsmat, sorti en vinyle bleu. Voilà, on va continuer avec une séquence de trompettes improvisées par le trompettiste japonais Hitaru Oki, trompettiste qui officie dans le jazz free improvisé depuis le début des années 70 et qui vit à Paris depuis, je pense, à peu près 40 ans. On le connaît comme facteur d'instruments, différentes flûtes et trompettes modifiées. Il publie assez rarement des disques et le label parisien spécialisé dans les musiques free et improvisées Improvising Beings a eu la bonne idée de documenter son travail à monsieur Hitaru Oki. L'album s'intitule Shorui Sukan et je propose de écouter la pièce qui démarre ce disque, le morceau Jado Mecho par Monsieur Hitaru Oki. Thank you. Thank you. Un autre genre de synthèse sonore pour conclure l'asile de cette semaine avec des improvisateurs. Tout d'abord, Monsieur Itaru Oki et sa trompette magique dans la lignée des improvisateurs et des inventeurs sonores sur cet instrument. Donc en solo absolu sur ce Shorui Kukan sorti sur le label Improvising Beings. On pense beaucoup à Monsieur Bill Dixon. Il marche beaucoup dans ses pas, ce japonais qui vit à Paris et qui est facteur d'instruments aussi avant de son état. Et c'était enchaîné avec le duo entre le trompettiste new-yorkais dont on vous a pas mal parlé dans l'asile le plus sûr ces dernières semaines, Ned Woolley, en compagnie du saxophoniste britannique improvisateur Seymour Wright. L'album s'intitule About Trumpet and Saxophone. C'est sorti sur la jeune marque britannique de disques Fataka Records, qui est une production vraiment très très très fantastique. Ruez-vous sur ces disques souvent en duo ou en solo de musique improvisée. Monsieur Seymour Wright, qu'on passe pas très souvent dans l'asile le plus sûr, qui est quelqu'un qui a beaucoup joué notamment aux côtés des gens de AMM, Kisro et Monsieur Eddie Prévost également. Voilà, on va se quitter dans quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est entièrement réécoutable en streaming sur son Mixcloud/Redman et que les playlists pour retrouver l'ensemble des informations données ce soir et les titres proposés cette semaine sont disponibles sur le blog Asile, azile35.blogspot.fr. Émission entièrement podcastable sur ce même site. On se quitte avec la musique du guitariste californien Steven R. Smith, qui officie depuis une vingtaine d'années dans les musiques un peu drone et des compositions chatoyantes, avec différents projets, notamment sous les noms de Ulan Cole, Ulan Markor, et aussi au sein des groupes Touja ou Alastrana. Là, cette semaine, je vous propose d'écouter pour conclure son projet Ulan Passerine, avec lequel il vient de sortir un sublissime CD sur sa propre marque Worstward sous le nom de Byzantium Crow, deux longues pièces de 20 minutes, dont on n'écoutera évidemment qu'un extrait. On écoute à peu près à partir de la deuxième moitié de la première pièce. Excellent titre pour s'acheminer vers le décollage à la verticale. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne nuit, à bientôt.